L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. À Jarville-la-Malgrange, comme partout en France, les Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes pour faire découvrir les métiers et les formations. Pour nous en parler, nous recevons en studio Kevin Pierre. Bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes prévôt donc à la maison de Jarville-la-Malgrange. Les Compagnons du Devoir, s'il fallait brosser un portrait, comment on pourrait les présenter ? Pour faire succinctement, les Compagnons du Devoir, donc c'est un centre de formation qui peut former à plus d'une trentaine de métiers dans différents secteurs, comme l'industrie, l'artisanat ou les métiers de bouche par exemple. On propose aussi un parcours assez unique, notamment du Tour de France, qui consiste à changer de ville sur plusieurs années, autour de 3 ans, 3-4 ans, on change de ville et on continue de se former. On va y revenir. Vous êtes prévôt. Ça veut dire quoi, prévôt ? Très bonne question. Alors prévôt, c'est un terme, un jargon chez les Compagnons du Devoir pour dire directeur d'un centre de formation ou d'une maison chez les Compagnons du Devoir. Voilà, vous êtes deux à Jarville. Hein. Tout à fait. Donc moi, je suis prévôt du centre de formation. Je m'occupe de toute la partie formation et diplôme. Et Caroline Rel, elle, qui s'occupe de la partie résidence et qui s'occupe des itinérants du Tour de France. Quel est votre lien et votre parcours au sein des Compagnons ? Alors j'ai commencé par un bac professionnel, tout simplement. Donc je suis compagnon mécanicien aujourd'hui. Et j'ai entre guillemets gravi les échelons, pris des responsabilités dans différentes entreprises partout en France et dans le monde, puisque je suis allé un an en Australie. Et ça m'a permis d'acquérir des compétences managériales et techniques dans les domaines professionnels. Et donc je suis aujourd'hui prévôt. Voilà, j'imagine que vous êtes convaincu de l'efficacité de cette formation. Tout à fait, c'est pas partout, dans tous les organismes, qu'on peut être assez jeune, responsable d'un site en tout cas. Donc c'est un parcours qui nous permet de prendre des responsabilités très vite et de pouvoir aussi les partager et notamment les transmettre aux plus jeunes. Alors ces portes ouvertes, qu'est-ce qu'elles représentent pour les Compagnons du Devoir ? Pour nous, c'est important de montrer ce qu'on y fait, notamment sur l'apprentissage des métiers. Ça permet également aux compagnons sédentaires, aux salariés, de pouvoir partager notre quotidien et de cultiver la matière et puis l'amour du métier, de l'effort, notamment dans les métiers professionnels qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment valorisés. Donc c'est important pour nous aussi de faire participer les professionnels des branches. Aujourd'hui, on entend beaucoup de difficultés, notamment à recruter, etc., ou des difficultés professionnelles. Donc c'est important pour nous de soutenir ça. Ces portes ouvertes, on peut y assister à partir de quel âge ? Les formations, elles commencent à partir de quel niveau ? Alors les formations, ça peut commencer aux alentours de 14-15 ans, jusqu'à tout âge. On fait aussi de la formation, autant formation initiale pour les jeunes que de la formation continue. Donc on a beaucoup de personnes qui viennent aussi chez nous pour se reconvertir ou s'initier à de nouveaux métiers. Les Compagnons du Devoir, ils sont partout en France. Est-ce qu'il y a des spécialisations à Jarville ? Oui, tout à fait. Donc niveau formation à Jarville, donc, nous avons la serrurerie, la menuiserie, la plomberie, la charpente, la couverture. Et donc on travaille à Jarville du CAP donc jusqu'au bac pro en diplôme. Lors de ces portes ouvertes, c'est les 24 et 25 janvier. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? On va pouvoir avoir plein de témoignages, j'imagine, déjà ? Tout à fait. Alors, vous n'allez pas seulement découvrir nos journées portes ouvertes, vous allez surtout les vivre. Oui. On fait des ateliers participatifs pendant lesquels les jeunes, les apprenants, mais également les moins jeunes, pourront participer en posant certaines briques, en découpant du bois, en faisant des assemblages. Donc, c'est un petit peu notre côté humain aussi d'avoir cette proximité avec les gens. Donc vous allez découvrir effectivement nos jeunes, nos apprenants, leur parcours qui sont tous uniques et également notre structure qui est assez particulière et pas forcément commune à d'autres centres de formation. Quand on reçoit des jeunes, voire aussi des parents, de futurs peut-être compagnons, il y a besoin de rassurer aussi sur les formations quand on sait que parfois les compagnons ils partent, bah vous l'avez dit, vous avez fait un séjour à l'étranger, tout ça, il doit y avoir plein de questions autour de ça. Oui, tout à fait. Quand on est parent, la première chose qu'on nous, on a souvent en tant que prévôt comme question, c'est est-ce que c'est pas difficile, surtout la distance vis-à-vis de la famille oui. et de l'apprenant, puisqu'on propose la résidence et puis on incite à l'apprenant à vivre en résidence chez les Compagnons du Devoir. Donc c'est souvent ces questions-là un petit peu de distance, d'internat aussi, sur lequel on rassure dans le sens où le jeune, l'apprenant, il n'est pas tout seul. C'est un esprit communautaire, familial, et il n'est pas tout seul mis dans son coin, c'est-à-dire qu'on donne aussi des responsabilités, la vie du quotidien à l'apprenant, comme mettre la table par exemple, participer à des petites tâches, et donc c'est aussi ça qui participe à la responsabilisation d'un apprenant. Donc là, c'est les portes ouvertes pour Jarville, mais aussi un peu partout en France. C'est pas toutes les mêmes formations dans tous les centres. Ces portes ouvertes, on peut quand même aller à la votre rencontre, même si c'est pas forcément la formation qui intéresse au premier abord. Tout à fait, avec grand plaisir. On saura vous renseigner sur les différents types de formations. Et il faut savoir qu'effectivement, toutes les maisons et centres de formation partout en France sont ouvertes à ces deux dates, donc 24 et 25 janvier. Et comment on s'y prépare à participer à des portes ouvertes? On vient comme ça? Tout à fait, on peut venir comme ça, on peut venir pas forcément préparé, mais également préparé, avec des questions peut-être sur la formation, les métiers, la résidence, peut-être sur notre parcours atypique du Tour de France, ou même le compagnonnage en sa généralité. On est ouvert à toutes questions et puis on est présent pour ça et c'est le but de l'événement également. Combien de temps ça dure une formation chez les compagnons du devoir, si on commence assez tôt d'ailleurs? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Tous les parcours de tous nos apprenants sont uniques. C'est-à-dire qu'un apprenant qui veut venir pour faire une simple formation de 1 an ou 2 ans, il est très bien capable de faire sa formation pour le diplôme et le métier. Derrière ça, on propose effectivement notre parcours atypique du Tour de France qui peut durer de 3 à 4 ans. Donc c'est à tout à chacun selon les profils, l'âge, la volonté d'apprentissage dans le métier, la volonté des diplômes. On propose vraiment un parcours unique à chacun avec, on va dire, un peu sous système de tiroir où chacun peut piocher sa formation et sa volonté d'apprentissage. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de votre formation chez les Compagnons du Devoir qui vous a marqué et qui fait qu'aujourd'hui vous prolongez cette aventure en tant que prévôt? C'est juste une aventure incroyable. Ouais. Le compagnonnage, c'est une aventure incroyable, unique, qui nous fait grandir. C'est pas juste apprendre un métier, c'est vraiment grandir dans le sens où on apprend professionnel d'une part, on passe des diplômes, on est également rémunéré, ce qu'il faut pas oublier. On voyage, c'est pas à un jeune âge que tout le monde peut voyager assez facilement. On n'est jamais tout seul, on a la communauté, les différentes maisons, tous les prévôts de toutes les villes. On rencontre tout le temps du monde. Et c'est toute cette ambiance qui fait que notre parcours, il est vraiment unique, et j'insiste là-dessus, et qui fait qu'on grandit très vite, malgré certaines difficultés, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, de l'éloignement avec la famille. Voilà, c'est tout ce package qui est juste unique. Donc un message pour donner envie aux jeunes et aux parents de jeunes de venir à ces portes ouvertes? Il ne faut pas hésiter, même si la météo n'est pas forcément propice, n'hésitez pas à venir, nous vous accueillerons avec grand plaisir, que ce soit les jeunes, les salariés ou même les compagnons. Venez pour manger un petit bout ou même boire un petit café, avec grand plaisir, nous vous accueillerons. Et on vous trouve où à Gerville? Alors au 6 avenue du Général de Gaulle. Parfait, et bien sûr il y a un site internet pour vous taper les Compagnons du Devoir, vous trouverez toutes les infos et toutes les formations qui sont nombreuses concernant les Compagnons du Devoir. Merci beaucoup Kevin. Merci Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.